Chapitre 13e. Le lendemain, Adolphe et Juliette allèrent à Nogent. Puis, après le dîner, dont l'heure fut avancée, ils montèrent en voiture pour se rendre à Chennevières, ce qui, avec un bon cheval, demandait 20 ou 25 minutes. De tous les villages qui environnent Paris, Chennevières est assurément le mieux situé pour la vue, et le panorama qui se déroule du haut de son coteau ne le cède en rien à celui qu'offre la terrasse de Saint-Germain. Quand Adolphe et Juliette gravirent la côte qui commence à Champigny pour aboutir à Chennevières, le soleil se couchait derrière Paris, dans un ciel sans nuages. À leurs pieds s'arrondissait la Marne, qui enserrait dans un rideau de feuillage la presqu'île de Saint-Maur. Au-delà, on apercevait le bois de Vincennes, et au milieu, immobile sur cette mer de verdure, le donjon, semblable à un navire aux voiles blanches. Puis, au loin, confusément, au-dessus des toits et des cheminées, les monuments de Paris, Notre-Dame avec ses deux tours, le Panthéon, le dôme doré des Invalides, éblouissant sous les rayons obliques du soleil couchant. Enfin, à l'horizon, l'Arc de Triomphe, les coteaux de Bellevue et le Mont Valérien se découpant en noir sur le ciel d'or. « Monsieur Hérol a bien choisi pour sa mère, » dit Juliette. « Tu me parais disposé à reconnaître toutes les qualités au peintre du semeur. Il a toujours celle d'aimer sa mère. Il n'y a pas grand mérite à cela, il me semble. Cela dépend. De quoi ou de qui ? Du fils d'abord, et aussi de la mère. » Ils entraient dans le village. La nécessité où ils se trouvaient de demander l'adresse de Madame Hérol interrompit cet entretien. On leur répondit de continuer tout droit du côté d'Ormesson. La maison de Madame Hérol était l'une des dernières du village et touchait au champ. Cette situation montrait que le choix du peintre avait été en effet heureusement inspiré. D'un côté, la maison de sa mère avait une entrée sur la plaine qui, à perte de vue, s'en va vers l'abri. Et de l'autre, elle avait sa façade sur l'admirable panorama de Paris. C'était une petite maison bourgeoise qui autrefois avait dû être une habitation de paysans. Car autour d'une cour pavée, on voyait encore des bâtiments qui avaient servi à une exploitation agricole, des hangars, des écuries, des granges. Des plantes grimpantes palissées sur un treillage cachaient les murailles de ces bâtiments. Et de chaque côté, dans la cour soigneusement balayée, étaient alignées deux rangées de grenadiers et de lauriers roses. Les poules ne couraient plus çà et là en liberté, mais elles étaient enfermées dans une basse-cour grillagée, sur le toit de laquelle un paon se panadait. Une jeune fille de 16 ou 17 ans vint ouvrir la porte au coup de marteau d'Adolphe. « Monsieur Francis est dans le jardin avec sa mère, » dit-elle. « Il lui fait la lecture. Si vous voulez vous reposer un moment, je vais l'aller prévenir. » Elle les fit entrer dans un salon comme on en rencontre guère aux environs de Paris, et qui vous transportait par la pensée au fond de quelques provinces éloignées. Sur la cheminée se dressait, entre deux lampes carcelles, une pendule en acajou avec incrustation de palissandre. Des rideaux de percale blanche étaient drapés aux fenêtres, et le meuble était recouvert de housses grises bordées d'un galon jaune. Des petits tapis étaient placés devant chaque siège sur le carreau, mis en couleur rouge. Mais Juliette, qui de ses anciennes habitudes avait conservé le regard circulaire de l'artiste, qui embrasse tout d'un rapide coup d'œil, n'eut pas le temps de se livrer à un long examen. Elle fut distraite par une voix qui, résonnant dans le jardin, arrivait jusqu'au salon par les fenêtres à demi closes. « C'est bien, » disait cette voix sonore et pleine, « j'y vais tout à l'heure. »« Qui est là ?» demanda une voix chevrotante et à l'accent méridional. « Un monsieur et une dame. D'ici ?» « Non, je ne les ai jamais vus. La dame est une belle dame. »« Vas-y tout de suite, » dit la voix qui tremblotait. « Tout à l'heure, quand j'aurai fini ce passage, puisque ce sont des gens que nous ne connaissons pas, ils peuvent attendre plutôt que toi. »« Il n'est pas poli, ton peintre, » dit Adolphe à voix basse. « Il l'est pour sa mère, » répliqua Juliette. La voix jeune reprit en lisant. « Je me levai et j'allai droit au coffre qui renfermait la guérison de mon corps et de mon âme. » Je l'ouvris et j'y trouvai le tabac. Et comme le peu de livres que j'avais conservés y était aussi serré, je pris une Bible que je n'avais pas eu jusqu'ici le loisir ou plutôt le désir d'ouvrir une seule fois. Je la pris, dis-je, et la portai avec le tabac sur une table. « Cette lecture va peut-être durer jusqu'à demain, » dit Adolphe. C'est le Robinson Crusoé. Le passage est celui qui parle de la maladie de Robinson. Nous ne sommes pas venus ici pour entendre lire des livres d'enfants. Cette lecture ne va pas se prolonger bien longtemps. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés. La lecture avait continué. Dans l'intervalle de ces préparatifs, j'ouvris la Bible et je commençais à lire. Mais les fumées du tabac m'avaient trop ébranlé la tête pour que je pusse continuer ma lecture. Néanmoins, ayant jeté les yeux à l'ouverture du livre, les premières paroles qui se présentèrent furent celles-ci. « Invoque-moi au jour de ton affliction, et je te délivrerai et tu me glorifieras. »« Bien ça !» interrompit la voix de la mère. Ces paroles me touchèrent et je les méditais avec recueillement. Il se faisait tard et le tabac, comme j'ai déjà dit, m'avait si fort appesanti la tête qu'il me prit envie d'aller dormir. Je laissais donc brûler ma lampe dans ma caverne de peur que je n'eusse besoin de quelque chose pendant la nuit. Ensuite, je m'allais coucher, mais auparavant, je me mis à genoux et je priais Dieu, le suppliant d'accomplir la promesse qu'il m'avait faite, que si je l'invoquais au jour de mon affliction, il me délivrerait. « C'est bien ça, » dit la mère. Et il y avait longtemps que j'attendais ce mot-là. Je me disais, « Voilà un brave homme qui ne se décourage de rien, qui fait tous les métiers, qui est charpentier, laboureur, potier, tailleur, vannier, boulanger, qui travaille du matin au soir, des bras et de l'esprit, et qui vient à bout de tout, de ce qui est difficile comme de ce qui est pénible. Pourquoi donc qu'il n'appelle pas le bon Dieu à son aide ?» C'est que le tabac ne lui avait pas encore appesanti la tête. « Peux-tu dire des choses pareilles, mon cher fils ? Je n'ai pas voulu te peiner. »« Je sais bien, tu es le meilleur garçon qui soit sur la terre, et pourtant tu me peines quelquefois. »« À propos du bon Dieu ? Oui, à propos du bon Dieu. Moi, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Je n'ai pu que travailler, et je ne sais même pas lire. Toi, tu es un homme instruit, tu sais tout, tu fais tout ce que tu veux. On est en admiration devant toi. » Enfin, tu es une gloire de la France, comme on disait dans un journal qu'on m'a lu. La distance entre nous est donc bien grande. Aussi, je me demande, quand tu fais des plaisanteries comme tout à l'heure, si ce n'est pas toi qui as raison de rire, et si moi je n'ai pas tort de me fâcher, car enfin, tu es bien au-dessus de moi. Ne dis donc pas cela, mère. Pourquoi ne pas dire ce qui est vrai? Et pourquoi une mère ne reconnaîtrait-elle pas que son fils est au-dessus d'elle? Il n'y a rien là de déshonorant. Il me semble plutôt qu'il y a de quoi être fier. Je disais donc que j'étais satisfaite de voir Robinson appeler le bon Dieu à son aide, parce que ça me montre que celui qui a écrit ce livre, et qui était un grand esprit d'après ce qui est raconté dans l'histoire de sa vie, croyait au bon Dieu. Sais-tu que c'est bien tourmentant, quand on a un fils tel que toi, et qu'on n'est qu'une pauvre paysanne, de n'être pas d'accord avec lui? Tu t'inquiètes de cela maintenant? Eh oui, je m'en inquiète. Crois-tu que ce n'est pas terrible de se dire qu'on a un fils qui est un grand homme et qu'on le contrarie dans ses idées? Quand je pense à cela, vois-tu, ça me fâche contre moi. Je me dis qu'il faut que je change. Tu ne vas pas à la messe, je n'irai pas à la messe. Tu ne parles pas du bon Dieu, je n'en parlerai pas non plus. Tu me ferais ce sacrifice? Dame, il me semble que c'est à moi, qui ne sais rien, de me départir de mes idées plutôt qu'à toi, qui sais tout, de te départir des tiennes. Comme cela, nous serons unis, ainsi qu'on doit l'être entre mère et fils. Et tu me proposes cela tout simplement, sans te douter que ce que tu m'offres est le dernier effort de la maternité. Je sais bien que c'est une chose dure. Pour m'élever, tu as travaillé jusqu'à te rendre malade, toi, si forte et si solide, sans manger, sans dormir. C'était le bon temps. Pour m'entretenir à Paris, tu as vendu morceau par morceau le coin de terre que tu avais eu tant de peine à acquérir. J'étais encore plus heureuse quand je portais l'argent à la poste pour te l'envoyer, qu'au temps où je le portais chez le notaire pour m'acquitter de ma dette. Pour me suivre, tu as quitté le village où tu es né. Tu t'es séparé de tes parents et de tes amis. Tu as abandonné tes habitudes, tu as même changé ta capelette. Ta mère doit être une dame. Maintenant, il ne reste plus qu'un sacrifice à me faire, c'est celui de tes idées et de tes croyances. Car tu n'as plus que ça à toi, n'est-ce pas? Et tu me le proposes tranquillement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout tranquillement, mais parce que je suis tourmenté. Je voudrais si bien faire quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que je peux maintenant? Qu'est-ce que je peux te donner? À quoi puis-je te servir? Je ne te suis qu'une occasion de dépense. Je te prends ton temps. Pour venir me faire la lecture, tu quittes ton travail, et moi, pour te récompenser de tout cela, je te contrarie. Mais tu ne me contraries pas du tout. Où as-tu pris cela? Enfin, quand tu n'es pas là, je me tourmente et je me dis que ça doit changer. Mais quand tu me lis des choses comme celles que tu viens de lire, ça me renforce dans mes idées. Eh bien, garde-les, tes idées, pauvre mère, et ne te mets pas dans la tête que je peux être fâché parce que tu restes maintenant ce que tu étais autrefois. Est-ce que je t'ai demandé de changer ton costume? La seule chose que je te demande, c'est de vivre tranquille, afin que je puisse t'aimer plus longtemps et te rendre heureuse. Je serais trop difficile si je n'étais pas heureuse. Est-ce qu'il y a un meilleur fils que toi? Ce sont les mères qui font elles-mêmes leurs fils. On rend ce qu'on a reçu. Tiens le compte exact de ce que tu as fait pour moi et de ce que je fais pour toi. Quand tu trouveras que tu me dois quelque chose, inquiète-toi si tu veux, mais jusque-là, reste tranquille. Seulement, tu sais que si nous interrompons nos lectures par d'aussi longues discussions, nous n'irons pas vite. Je ne tiens pas à aller vite. Certainement, ce que raconte Robinson est bien raconté. Mais ce que tu dis, toi, est bien dit aussi, et j'aime t'entendre parler. Seulement, c'est assez parlé et assez lu pour aujourd'hui. Maintenant, va voir quelles sont les personnes qui te demandent. Tiens, c'est vrai, je les avais oubliées. Un monsieur et une dame qui viennent me relancer ici. Qui diable peuvent-ils être? Va voir. Le temps de les mettre à la porte, et je reviens.